Le fils du Kaiser échappe à la mort, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Le hasard voulut que ce jour-là, l'inspecteur de la sûreté Pinson vint à passer sur le pont de la Concorde. C'était un jeudi après-midi, et tandis que son attention était attirée par des péniches qui remontaient le fleuve, sous la conduite d'un remorqueur, les élèves d'un collège venaient à passer à ses côtés, surveillés par un pion que ses tâches ne semblaient pas amuser outre mesure. Ces jeunes gens, tous approchant de la vingtaine, avaient des leggings de cuir aux jambes et tenaient une cravache à la main. Ils revenaient de leur leçon d'équitation. Ce n'eût été là qu'un fait banal, si la conversation de deux des jeunes gens s'exprimant en allemand n'avait éveillé soudain la curiosité du policier qui comprenait fort bien cette langue. « Oui, disait l'un, mon père me l'a écrit hier encore, le prince Adalbert doit passer par Paris ces jours-ci, incognito, et il viendra me voir à la pension. » « Pourquoi ne pas te faire venir à l'ambassade ? Parce qu'il veut se rendre compte de visu ce que c'est qu'un pensionnat français. » « Le prince Adalbert, l'ambassade. » Ces mots, entendus en passant, ne manquèrent pas de surprendre Pinson. C'était probablement du prince Adalbert d'Allemagne, de l'un des fils du Kaiser, qu'il s'agissait. Il allait passer par Paris incognito, puisque ce voyage n'avait pas été annoncé dans les journaux. Quant à l'ambassade, c'était sûrement celle d'Allemagne. « Tiens, tiens. » fit Pinson en se parlant à lui-même. « Voilà qui peut devenir intéressant. » Et rallumant sa cigarette qui venait de s'éteindre, il accompagnait les jeunes gens en ayant soin de se tenir à proximité des deux Allemands. Il arriva ainsi à apprendre qu'ils étaient pensionnaires dans une grande institution privée, la pension Pascal, située à Neuilly, et où l'on n'admettait que des fils de familles riches. Le jeune homme qui avait parlé se nommait von Eichstoll et était le fils du premier ministre d'Allemagne, qu'il avait envoyé à Paris pour le perfectionner dans la langue française. Il avait fait toutes ses études à Bonn, où il avait été le camarade du prince Adalbert. Aussi, celui-ci, passant par Paris, viendrait-il sans aucun doute, comme Pinson l'avait appris, rendre visite à son ami d'enfance, au fils d'un des familiers de son père. La personnalité de l'autre Allemand intéressa moins l'inspecteur. C'était un homme Müller, qui lui était assez indifférent. Suivant l'avenue des Champs-Élysées, puis celle de la Grande Armée, on arriva enfin à Neuilly, où l'institution Pascal se trouvait dans la rue du Château. Les élèves rentrés, Pinson se demanda pourquoi il était venu à l'idée de les suivre, sur une bribe de conversation surprise au passage. Après tout, le prince Adalbert pouvait bien venir à Paris incognito, si cela lui convenait, et rendre visite à un camarade, si bon lui semblait. Pourquoi lui, Pinson, allait se mêler de ce qui ne le regardait pas? Toujours cet instinct policier qui le poussait à flairer des affaires là où il n'y en avait pas. Et puis, quelle heure était-il? À 6 heures, il devait être à la préfecture. Allons bon, sa montre était arrêtée. Il tenta de la remonter, de tourner les aiguilles. Rien n'y fit. Sa montre ne marchait plus. Que faire? Pinson, avisant un horloger à quelques pas de là, entra dans sa boutique. Il remarqua toutefois que le magasin avait été jadis occupé par un fruitier, dont le nom et l'enseigne se trouvaient encore en toutes lettres sur le store et le fronton. Quelques lettres émaillées seulement annonçaient « Achat d'or et d'argent, réparation en tout genre. »« Bon, » fit Pinson, « celui-ci ou un autre, il faut bien que je fasse réparer ma montre. » Et là-dessus, il entra dans la boutique où il ne se trouvait personne pour l'instant. Une vieille sonnette avait bien tinté, mais personne n'était venu à son appel, et Pinson dut frapper le sol de son parapluie plusieurs fois et répéter des « Magasin, s'il vous plaît. » « Il y a du monde !» avant que l'horloger se décide à venir. Celui-ci était, à n'en pas douter, un étranger, un Allemand ou un Alsacien, en jugé par son accent. Il était de haute stature, très maigre, et portait un complet de couleur grise, usagé. Son faux col bas était sale et sa cravate, d'un rouge écarlate, assez fripée. Il avait un visage pâle, que rendait encore plus livide, de longs cheveux et une barbe d'un noir de jais. On apercevait aussi deux yeux brillants, et qui jamais ne demeuraient en repos, tels ceux d'un démon. « Eh bien, qu'est-ce que c'est? Comme voulez-vous » demanda-t-il avec impatience. L'inspecteur ne put s'empêcher de penser que c'était là un commerçant peu banal, et qui ne recherchait guère la clientèle. « Voilà, dit-il, c'est pour une montre que je vous apporte à réparer. Elle s'est arrêtée à 3 heures cet après-midi, et j'ai eu beau la remonter et tourner les aiguilles, impossible de la faire marcher. » L'horloger l'examina attentivement, mais pendant qu'il la tenait en main, Pinson remarqua que le petit doigt de la main droite manquait à l'horloger. Non, monsieur, il est impossible de réparer cette montre. Elle est en trop mauvais état. Comment ? Et vous avez le toupet de mettre sur votre devanture la réparation en tout genre ? N'importe quel horloger me la réparerait. Elle n'est pas en si mauvais état que cela, après tout. Je vous dis que je ne veux pas la réparer, répliqua l'horloger. En voilà assez, n'est-ce pas ? Reprenez votre montre et allez-vous-en. Pinson quitta la boutique, mais prit bien soin de se souvenir du nom de son propriétaire, Albert Schmidt. Jamais de sa vie, il ne donnerait une montre à réparer à cet horloger baroque. Schmidt ? Mais c'était là un nom bien allemand. L'accent de l'homme le dénonçait d'ailleurs. Pinson, discrètement, interrogea des voisins et apprit que l'horloger n'était là que depuis une huitaine environ. Bizarre, pensa l'inspecteur de la sûreté. Il apprit aussi que toutes les personnes qui lui apportaient des pièces à réparer étaient conduites sous des prétextes plus ou moins futiles. Mais enfin, murmura Pinson, puisque ce brave homme ne cherche pas de clients, de quoi vit-il donc alors ? Pas de son travail, en tout cas. Je me demande ce qu'il est venu faire ici à Neuilly, dans la rue du Château, cet horloger à la manque. De plus en plus bizarre. Il doit méditer un mauvais coup. Serait-ce un cambriolage dans les environs ? Sans savoir pourquoi, Pinson croyait trouver une corrélation entre la conversation des deux jeunes Allemands, l'arrivée du prince Adalbert et la boutique de l'horloger Schmidt, louée par celui-ci depuis quelques jours seulement. L'inspecteur, que tout ceci intriguait, revint le lendemain à Neuilly. Il se mit à la terrasse d'un café situé presque en face de la boutique de l'horloger et put se convaincre que celui-ci n'avait aucun client. Voilà qui devient de plus en plus bizarre. Nous avons ici un horloger qui, certes, n'en doit pas être un, puisqu'on lui apporte du travail qu'il ne veut ou ne peut entreprendre. C'est un Allemand. Il se trouve placé à proximité du pensionnat Pascal, où le prince Adalbert doit se rendre d'ici peu pour visiter le jeune von Eichstätt. Et elle est venue louer depuis une semaine seulement une boutique vide et peu en rapport avec son commerce. Tout ceci me semble louche. Comme Pinson se livrait à ses pensées, les deux jeunes Allemands de la veille sortaient de l'institution pour aller faire quelques emplettes. L'inspecteur paya sa consommation et se mit à les suivre. L'un d'eux, von Eichstätt, avait un journal allemand entre les mains et lisait quelques lignes à son ami. « Müller, lui disait-il, le prince Adalbert sera à Paris demain ou après-demain au plus tard. » On le dit dans les journaux, et comme il ne peut rester que fort peu de temps, j'attends sa visite d'un moment à l'autre. « Vois-tu, dit Müller, que le prince soit victime de quelque complot anarchiste ? Pourquoi veux-tu ? Il ne fait de mal à personne, qui peut lui en vouloir ? Eh, c'est tout. Il est le fils de l'empereur d'Allemagne, du Kaiser à qui tant de personnes en veulent. On pourrait se venger du père en assassinant le fils. Tu sais bien qu'il y a toujours d'innocentes victimes dans les attentats politiques. Et d'abord, n'a-t-on pas déjà essayé une première fois d'assassiner le prince quand il était allé passer quelques jours dans la propriété de ton père ? Chut ! Tu sais que l'affaire a été étouffée et que l'empereur ne veut pas qu'on en souffle un mot. Ce qui n'empêche pas que c'est vrai. Tiens, mais au fait, n'a-t-on jamais su ce qu'était devenu le criminel ? Jamais. Une fois son coup fait, après avoir lancé sa bombe, qui, mal dirigée, alla tomber dans une rivière toute proche, le misérable, avant de s'enfuir, déchargea encore quelques coups de revolver qui n'atteignirent pas le prince. Celui-ci, fort heureusement, était armé et tira sur lui. Il ne le tua pas, mais l'une de ses balles coupa net le petit doigt de la main droite de l'assassin, qui laissa tomber son arme en poussant un cri de douleur. On retrouva dans le gazon de la pelouse le revolver ainsi que le doigt tout ensanglanté. Pour Pinson, ces dernières paroles furent une véritable révélation. N'avait-il pas remarqué la veille que le petit doigt manquait à la main droite de l'horloger Schmidt ? Était-ce le même homme dont parlaient les deux jeunes gens, ou n'était-ce là qu'une simple coïncidence ? L'affaire valait la peine d'être élucidée. Se rapprochant des deux Allemands, l'inspecteur s'excusa de la liberté qu'il prenait de leur parler. Mais il avait surpris leur conversation, et il pensait qu'il était de la plus grande importance d'obtenir d'eux quelques détails complémentaires sur l'attentat dont ils venaient de parler. Il se nomma d'ailleurs aussitôt pour les tranquilliser sur l'objet de sa demande. Très surpris tout d'abord, les jeunes gens le rassurèrent bientôt. « Nous ne savons rien de plus que ce que vous avez entendu. L'assassin, après l'accident qui lui est arrivé, a pu parvenir à s'échapper, et la police allemande n'est jamais arrivée à découvrir son identité. Le prince Adalbert était seul au moment de l'attentat, et le seul renseignement qu'il put fournir était les suivants. Le meurtrier était un homme de haute stature, très maigre, et sa pâleur était extrême, ce qui pouvait s'expliquer par l'émotion que devait lui causer le forfait dont il allait se rendre coupable. Il avait une trentaine d'années environ. Le prince aussi avait remarqué qu'il portait toute sa barbe et que celle-ci, ainsi que ses cheveux très longs, étaient d'un noir de jais. « C'est bien mon horloger, » pensa le policier. « Le signalement est exact jusqu'au petit doigt de la main droite qui lui manque. Plus de doute. » Schmidt médite un autre attentat sur la personne du prince Adalbert, qu'il a manqué une première fois. Voilà donc pourquoi il est venu s'installer si près de l'institution. Il a dû être averti du voyage du prince à Paris et de sa visite au jeune von Eichtel, puis il a résolu d'assassiner le fils de l'empereur. « Nous n'avons pas un instant à perdre, » dit-il aux deux Allemands. « Quand pensez-vous que le prince arrivera à Paris ?»« Mais ce soir, très probablement. »« Bien. » « Peut-être même est-il déjà à Paris, » fit Müller. « Nous n'en savons rien, puisque ce voyage est tenu secret. Il n'y a qu'un journal allemand qui en dise quelques mots, celui que nous lisions ensemble tout à l'heure. » Pinson et les deux jeunes gens se trouvaient en ce moment à proximité de la boutique de l'horloger. Ils aperçurent celui-ci qui sortait, et l'inspecteur leur dit à voix basse, « Tenez, vous voyez bien cet homme ? Eh bien, c'est lui qui a tenté une première fois la vie du fils de Kaiser, et qui veut recommencer. » Il nous faut l'en empêcher. Moi, il me connaît, m'ayant vu hier dans son magasin où j'étais entré pour lui faire réparer ma montre. Vous, il ne vous a jamais vu. Vous allez le filer et voir ce qu'il va faire, où il va. Vous me retrouverez dans le petit café que voici. Allez, et ne négligez aucun détail. Il va de la vie du fils de votre empereur, croyez-moi. Pinson attendait impatiemment le retour des deux Allemands quand il les vit entrer dans le café en coup de vent. Ils avaient suivi l'horloger, qui était revenu sur ses pas, ayant rencontré un employé du télégraphe. Il était rentré dans sa boutique, où le télégraphiste lui avait remis une dépêche. « Un petit bleu, ou un télégramme ?» demanda Pinson anxieusement. « Non, un télégramme, j'en suis sûr, » fit von Eichtel. « Je l'ai bien remarqué. » L'horloge décacheta le pli, fébrilement, et nous avons vu sa figure s'éclairer d'un sourire méchant. Il est rentré dans son arrière-boutique, est ressorti dans la rue, portant un petit paquet, a fermé son magasin en retirant le bec de canne et s'est rendu dans un terrain vague qui est contigu à notre pensionnat. Il doit y être encore en ce moment. Vivement, nous sommes accourus ici pour vous prévenir. « Attendez-moi ici, » leur dit Pinson. « Je reviens dans un instant. » L'inspecteur se rendit tout de suite au bureau de poste et après avoir décliné son nom et sa qualité au receveur, il put prendre connaissance du texte de la dépêche remise quelques moments auparavant à l'horloger Schmidt. « A viendra vers 3 heures. » Il était exactement 2 heures. Que faire ? Aller jusqu'à l'ambassade, prévenir le prince ? Il n'y fallait pas songer. On n'en avait plus le temps. Et d'ailleurs, le prince n'y était peut-être pas. Faire arrêter Schmidt comme personne suspecte ? Il lui fallut tout expliquer au commissaire et perdre ainsi un temps précieux. Non. Le mieux était de placer les deux Allemands en faction à l'une des extrémités de la rue du château. Lui, Pinson, se tiendrait à l'autre, car on ne savait par où arriverait le prince. On l'avertirait en temps opportun pour éviter l'attentat. Ce qui troublait le plus l'inspecteur, c'est que, s'étant rendu dans le terrain vague que lui avaient désigné les jeunes gens, il n'avait pas vu trace de l'horloger. Qu'était-il devenu ? Il se cachait quelque part, sans doute, et non loin de là, puisqu'il avait jeté son dévolu sur ce terrain mitoyen, avec l'institution Pascal. Revenu au café où ses deux amis l'attendaient, Pinson leur rendit compte de ce qu'il venait d'apprendre au bureau de poste et leur exposa son plan. Comme il était convenu, Müller et von Eichtel allèrent se poster à l'une des extrémités de la rue du château, tandis que Pinson demeurait en faction aux approches de l'avenue qui est la continuation de l'avenue de la Grande Armée, venant en ligne droite de Paris. Il se trouvait être ainsi placé avant le terrain vague où il soupçonnait que Schmidt devait se cacher et comptant que le prince Adalbert, arrivant de l'ambassade, suivrait de préférence une grande voie, il pensait bien pouvoir l'avertir à temps pour éviter une catastrophe. Mais comment allait-il venir ? À pied ? C'était peu probable puisqu'il n'avait que fort peu de temps à passer à Paris. En automobile ? Peut-être. L'inspecteur en était là de ses conjectures quand un buggy, attelé d'un cobalzant superbe, tourna le coin de la rue du château où Pinson attendait. La bête filait à toute allure, mais l'inspecteur eut le temps de reconnaître en l'une des deux personnes qui se trouvaient dans le buggy, en celle qui conduisait, le prince Adalbert, dont il avait vu le portrait reproduit par le journal allemand qu'avait von Eichtel. N'écoutant que son courage, Pinson sauta la tête de la bête et saisit une des guides. L'animal, effrayé, se cabra soudain. « N'avancez pas ! N'avancez pas !» s'écria le policier que le cheval traînait maintenant à terre sur un assez long parcours. Le prince comprit-il ou non? Entendit-il le conseil donné par cet inconnu? On peut croire que non, car, pensant probablement qu'on cherchait à tenter à sa vie, il cingla la face de Pinson d'un vigoureux coup de fouet et enleva sa bête d'un autre. Ceci lui sauva la vie. Sous le coup de la douleur, le policier lâcha la guide et roula dans la poussière, tandis que le cheval partait à fond de train. Il fit même un bond prodigieux et dépassa le terrain vague, d'où partit un projectile lancé cependant d'une main sûre. On entendit le bruit d'une explosion formidable qui fit voler en éclats toutes les vitres environnantes, suivie d'un cri de rage et de douleur. La voiture filait au loin et ceux qui l'occupaient étaient sains et saufs. Pinson, s'élançant, fut sur le lieu du crime en quelques secondes. Une bombe venait d'éclater à quelques mètres seulement du buggy qui venait de passer. Dans sa précipitation, l'assassin, voulant voir son œuvre, était sorti en courant de sa cachette et l'engin qui explosait l'avait tué net. C'était bien l'horloger Schmidt. Les deux Allemands avaient rejoint l'inspecteur Pinson, encore tout bouleversé des événements rapides qui venaient de se succéder. Le prince Adalbert, qu'accompagnait un attaché d'ambassade, était aussi revenu sur ses pas et examinait le lieu du crime. Müller et von Eichtel lui expliquèrent ce qui s'était passé, les soupçons de l'inspecteur de la sûreté Pinson qui lui présentèrent, la découverte qu'il avait faite de l'horloger Schmidt, la corrélation entre le premier attentat dans la propriété du ministre von Eichtel et ce second attentat prémédité, enfin la façon miraculeuse dont le prince avait été sauvé grâce à Pinson. Nous n'avons pas besoin de dire combien l'inspecteur fut chaleureusement remercié par le prince Adalbert et ses amis. Le lendemain, Pinson recevait une photographie du fils de Kaiser, quelques lignes le remerciant de lui avoir sauvé la vie, ainsi qu'un diplôme lui conférant le grand ordre de l'aigle de Prusse. Ainsi s'achève « Le fils du Kaiser échappe à la mort », une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.